Sommaire printemps 2015. Page 2. Page 3, édito. Page 4, ma ville en images. Actualité. Page 6, commémoration Grande Guerre. Page 7, artisans et commerçants. Dossier. Page 11, bien vieillir à Château-Gontier-Bazouges. En action. Page 16, parc Saint-Fiacre. Page 18, expression libre. Page 19, église Saint-Jean. Page 20, budget 2015. Page 22, travaux en ville. Page 23, agenda. Le magazine de la ville, semestriel d'information de la ville de Château-Gontier-Bazouges, 23 place de la République, 53 200, Château-Gontier-Bazouges, téléphone 02 43 09 55 55. Directeur de la publication, Philippe Henry. Conception et mise en page, agence 23e homme. Rédacteur en chef, Jean-Marie Mulon. Rédaction, ville de Château-Gontier-Bazouges. Photo, ville de Château-Gontier-Bazouges. SCM, Cocard-Colleux-Charrier, Pascal Plessis. istockphoto.com. Impression, imprimerie Faguier, papier recyclé. Description des photos. Commémoration de la libération de Château-Gontier le 7 août 1944. Un véhicule militaire de l'armée française de 1945 défile dans les rues de Château-Gontier devant une foule. Celle-ci remue des drapeaux français et américains pour fêter, comme il y a 70 ans, la libération de la ville de l'occupant allemand. Photo de l'extérieur de l'église Saint-Jean-Baptiste, église datant du XXe siècle.